qui m'a semblé intéressant de communiquer, surtout d'en parler avec quelqu'un d'autre qui s'intéresse au doublage, mais d'un point de vue différent. Eh bien, je pense que je sais où, je pense que comprendre où tu veux où t'en aller. En fait, oui, je suis un ardent défenseur des versions françaises. Il n'y a rien de mal à ça. Personnellement, je préfère en général la version originale, mais je trouve que les doublages ont leur place. Évidemment, je pense que d'un pays à l'autre, les doublages ne sont pas tout le temps de la même qualité et l'argent qui a été investi dans les doublages, au fond, évolue d'un film à l'autre. Mais je vous dirais que peut-être aujourd'hui, ça s'applique moins car... De toute façon, je consomme moins de films américains contemporains. Mais je dirais qu'à l'époque où les cinémas, au fond, occupaient une place prépondérante dans le cinéma, au Québec, l'argent qui était accordé au doublage les maisons de production de cinéma était très, très conséquent. Quand un film était déployé ici, je me souviens que c'était des acteurs professionnels qui étaient engagés pour donner des voix internationales, finalement, aux personnages. Et le film « La mort vous va si bien » est un témoignage. J'adore Bruce Willis comme acteur, mais je serais bien incapable d'écouter « La mort vous va si bien » et le Dr. Mainville dans sa version originale, tellement la voix... de la version française correspond au personnage. Ah, ben, il me semble que la version originale est vraiment bien aussi. Bruce Willis, c'est un acteur que personnellement j'apprécie beaucoup et à l'époque il était connu surtout comme une grande star d'action, ce qui faisait très bien. Bon, depuis, ça l'a un peu diminué en qualité, mais par contre, dans les films où il fait des performances différentes de ce qu'on voit habituellement, il est vraiment très bon dans ce film-là, Dead Becomer, j'ai trouvé qu'il était vraiment très, très bon. Il y a beaucoup de gens qui détestent Hudson Proxy. Moi, je le trouve. C'est un film que je trouve hilarant, surtout avec Bruce Willis, qui est tellement drôle dans le film, qui est vraiment bien. Évidemment, je dirais justement, cette capacité-là à faire des doublages de qualité va dépendre finalement de la perception, au fond... de celui qui va les réécrire dans la langue, au fond, dans le cas suivant, le français. Je pense que l'important pour moi, pour un doublage francophone de qualité que je vais apprécier, voire adorer, comme dans le cas suivant, c'est qu'à aucun moment j'aide des références, que les références, mettons par exemple, géographiques, soient maintenues. Je vais prendre un exemple de quoi je parle. Je sais que la version québécoise des Simpsons est vue comme un excellent doublage. Moi, je le trouve médiocre au mieux, car, je vais le dire, en fait, c'est le même problème que je reprochais finalement à l'ancienne émission Henri Pissagang, qui est King of the Hill, je pense, dans la langue originale. C'est un cas justement où je préfère la version anglaise, c'est-à-dire que je ne veux pas de référence au Québec, au Canada, quand je suis supposé être au Texas ou dans un État américain. Je veux les références d'origine. Je ne veux surtout pas entendre des sacrements, qui est une spécificité du Québec. Et donc ça m'a beaucoup dérangé dans la version des Simpsons. Je ne dis pas que les comédiens ne font pas bien leur travail. Au contraire, ils ont des voix excellentes. Malheureusement, le blâme, selon moi, revient dans ce cas-ci à la personne responsable des nouveaux dialogues en français, de remplacer les dialogues anglais par les dialogues français. J'ai trouvé que c'est catastrophique. Et c'était la même chose dans Henri puis sa gang. Et quand ils ont voulu faire South Park en québécois, ça a été catastrophique aussi. Ah, moi, j'ai une opinion assez différente, même si en général, je suis quelqu'un qui préfère les versions originales. Dans le cas des Simpsons, j'adore totalement le doublage québécois. Déjà, évidemment, par la performance des acteurs, qui sont parfaitement castés. Je trouve que la quasi-totalité des personnages ont des voix extrêmement similaires aux voix de la version originale et ils le font très bien. Il y a juste Homer Simpson qui a une voix très différente, mais j'adore totalement la performance de l'acteur. Par contre, les dialogues, le fait qu'il y ait des sacrements, ça l'a aidé le public québécois à apprécier la série. Et les références, Et ça alterne un peu d'un épisode à l'autre. Il y a certains épisodes où les références américaines sont gardées, d'autres où on a décidé de faire de faire référence au Québec. Je trouve que souvent, ça marche assez bien. Je trouve que c'était généralement assez réussi. Par contre, dans le cas de Henri et sa gang, c'est totalement différent. Moi-même, qui connaissant McMasterville Nord, comme la ville étant supposée appelée dans la série, je trouve que ça ne marche pas du tout dans le cadre de cette série-là, parce que Les Simpsons, c'est une série qui est très caricaturale. C'est jamais spécifié d'ailleurs où aux États-Unis c'est situé, tandis que Henry et sa gang, King of the Hill, c'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Oui, on connaît la géolocalisation de la ville, en fait. Donc c'est vraiment très propice de son état, de où est-ce que c'est, tandis que les Simpsons, ça peut s'étendre à l'Amérique du Nord, c'est assez proche de notre réalité au Oui, ben, c'est à Québec. débattre, mais au moins je suis content qu'on arrive sur un point d'entente, parce que vraiment Henri et sa gang, c'est un échec lamentable. Surtout, on connaît la géolocalisation dans l'émission, on voit les références au Texas constamment. Puis il y a une émission, au fond, où on parle, au fond, d'avoir le camp d'entraînement des Cowboys de Dallas dans la ville québécoise de Saint quelque chose. Ça semble totalement ahurissant comme scénario, ou le fait par exemple qu'un 25 décembre il ne neige pas. C'est complètement ahurissant. Et c'est là où quand je trouve que les limites, par exemple, où je suis d'accord, les limites de la traduction, surtout une traduction libre comme celle-ci, c'est que je veux dire, tu es un peu mal pris justement quand l'émission exploite. Comme tu dis, c'est moins visible dans les Simpsons, étant donné que c'est jamais spécifié la géolocalisation. Mais si tu fais une émission comme Henry et sa gang, où c'est clairement dit que ça se passe au Texas, que le décor fait tout le temps continuellement référence au Texas, ben à un moment donné, tu es un peu mal pris quand justement tu as un spécial Noël puis il n'y a absolument aucune neige. Comment tu peux expliquer ça au Québec, surtout dans le Québec des années 90? Ou encore qu'une équipe de football américaine viendrait s'entraîner dans une petite ville québécoise, plutôt que dans sa terre natale du Texas. En tout cas, c'est vraiment un exemple. Et là, je blâme pas il n'y a qu'une personne à blâmer ici. Je ne blâme pas les voix, mais je blâme celui qui a été responsable, au fond, d'adapter les dialogues au Québec. Pour ce qui est de South Park, je n'ai pas vraiment d'opinion puisque je n'ai jamais vu la version québécoise. Par contre, je m'interroge sur pourquoi est-ce qu'ils ont fait une version québécoise, je pense, 10, 15 ou 20 ans après, quand la série était déjà diffusée en français et que tout le monde connaissait l'excellent doublage français de la série. Exactement. Et d'ailleurs, c'était à l'époque, c'était TQS, il me semble, qui avait initié ça. Oui. Et ça n'a duré que la première saison, Oui. tellement que c'était médiocre. Et c'était diffusé à la même, au même, à la même époque où il me semble que Télétoon avait encore. Je sais pas, je n'écoute plus Télétoon depuis des siècles, mais à l'époque, je me souviens que Télétoon avait encore les droits de diffusion, particulièrement pour les nouvelles saisons. Donc, je trouvais que c'était extrêmement surprenant et médiocre. Donc, personnellement, je préfère habituellement toujours la version originale d'un film ou d'une série avec des sous-titres pour une œuvre dans une autre langue que le français ou l'anglais, parce que malheureusement, non, je ne comprends pas l'espagnol, l'italien, le chinois, le mandarin, le japonais, le coréen, le russe. Faut dire aussi que je vous dirais que le code du doublage, au fond, est souvent limité finalement aux films américains. Les films étrangers qui sont de extérieur au fond du monde anglo-saxon et qui sont pas du monde francophone dans notre cas, au fond, la plupart du temps, au fond, il faut les écouter avec sous-titres ou avec doublage en anglais. Donc, je te comprends là-dessus, je suis entièrement d'accord. Ah. Mais assez souvent, il y a des doublages, Ouais. peut-être qu'ils sortent pas nécessairement au Québec, là. OK. C'est plus en Europe, peut-être, mais il y en a Parce que quand même j'ai vu beaucoup. beaucoup de séries allemandes où qui étaient il fallait écouter avec sous-titres. OK. Donc, la version originale, c'est la version qui est voulue par ses créateurs avec la performance originale des acteurs. Mais je ne suis pas pour autant nécessairement un anti-doublage. Au contraire, je trouve que le doublage est un art complexe qui permet de répandre des œuvres à un public plus large, particulièrement dans le cas des films pour enfants, mais pas uniquement. Les acteurs qui font les voix doublées offrent eux aussi une performance qui peut être très bonne et même parfois être meilleure que la performance originale, du moins pour le public visé. Je pense notamment à certaines performances qui ne sont pas toujours compréhensibles en version originale de par l'accent voulu ou non, ou parfois de par la voix de l'acteur, comme par exemple Sylvester Stallone. J'ai beaucoup de la difficulté à comprendre ses dialogues en anglais. Il ne faut pas oublier non plus que le doublage a aussi ses scénaristes et réalisateurs qui peuvent adapter l'œuvre pour la rendre plus compréhensible pour le public. Quoique l'inverse peut se produire aussi, comme avec le doublage anglais pour le marché américain du film anglophone australien Mad Max, que j'avais trouvé très difficile à comprendre sur VHS dans le temps. Heureusement, les versions DVD et Blu-ray incluent la piste originale australienne qui est très nettement plus compréhensible que le doublage américain. Il peut arriver que ce travail de doublage trahit le sens de l'œuvre originale, mais ce n'est pas toujours le cas. En humour, une blague du doublage peut remplacer le gag original qui est incompréhensible pour un public différent, comme par exemple « Je ne comprendrai pas un jeu de mots japonais, même s'ils traduisent mot pour mot ». Tant que ça trahit pas tant que cette blague différente ne trahit pas le sens de l'œuvre originale, ce n'est pas un problème pour moi. Il arrive même rarement que trahir une œuvre lui rend service. J'aurais beaucoup de difficultés à regarder Ken le survivant, Okuto no Ken, Feast of the North Star, sans le doublage français qui ajoute une couche de débilité profonde à une série qui, selon moi, est avant tout un prétexte stupide à de la violence. On ne devrait pas laisser aux petits-enfants une série ultra-violente d'arts martiaux extrêmes dans un futur à la Mad Max, pouvant être amusant pour un public plus âgé. Mais on peut facilement laisser le public regarder un truc délirant avec les fameux hauts couteaux à pain et nantos de vison, les méchants qui ne savent pas compter, et les jeux des doubleurs qui essaient de placer dans des dialogues des mots qui n'ont rien à voir avec le sujet de la discussion. Et puis, sans les mauvais doublages détruisant les films, il n'y aurait jamais eu quelque chose comme le très, très, très drôle Kung Pao Under the Fist. Est-ce que tu connais Kung Pao? Ah non, absolument pas, mais... c'est un Américain, Steve Oderick, qui je pense que c'est le réalisateur de Ace Ventura 2, qui a pris un film de Hong Kong, un film de Kung-Fu des années 70, qui a complètement changé le dialogue, qui s'est incrusté dans le film comme personnage, c'est devenu une parodie, c'est hilarant. Ah, un détournement, au fond. Oui. Il me semble que les Français en faisaient beaucoup, des détournements à une époque. Oui, mais ça, c'est pas juste un petit détournement pour un sketch, c'est un film complet. C'est, okay. C'est, si on aime l'humour pas intelligent, c'est très drôle. Oh, ça me pourrait me correspondre. pour moi, les doublages devraient toujours être inclus sur les DVD et les Blu-ray. Il n'y a pas de raison de priver les disques de cette possibilité. Mais il faut faire aussi attention à la distribution géographique. Il est hélas trop fréquent que les DVD incluent le mauvais doublage. On est au Québec ici, donc le DVD devrait inclure le doublage québécois s'il y en a un. J'ai de la difficulté à comprendre comment 20th Century Fox a pu distribuer la première saison des Simpsons avec l'horrible doublage français de France. Désolé pour les Français, je déteste. Mon Dieu, le doublage. Je suis entièrement en désaccord, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qu'ils ont heureusement corrigé pour les saisons suivantes. Je connais quelqu'un qui a racheté en DVD From Dusk Till Dawn parce que la nouvelle édition DVD à ce moment-là incluait la VF. Étant identifié comme sur la pochette comme étant le doublage du Québec, mais cela s'est révélé faux, ce qui l'a dégoûté, le doublage québécois de ce film étant culte pour lui. Si nous écoutons un autre fan de... Si tu m'écoutes en ce moment, ou un autre fan du doublage du film From Dusk Till Dawn, La nuit la plus longue, le Blu-ray canadien édité par Alliance inclut le doublage québécois. Il m'arrive moi-même d'écouter la version française. Parfois par nostalgie pour le doublage d'un film qui a bercé ma jeunesse, comme la trilogie Retour vers le futur. Parfois parce que je fais autre chose en même temps, comme par exemple, je suis en train de me préparer à manger. et que j'ai donc de la difficulté à lire des sous-titres d'un dessin animé japonais quand je suis en train de préparer le repas. Parfois, par simplicité au cinéma, j'habite en banlieue, donc les films sont généralement présentés doublés. Et même si je ne suis pas dans mon coin, je suis à Montréal, ça peut arriver que l'heure à laquelle est présentée la version française soit plus avantageuse que celle à laquelle est présentée la version originale. Parfois aussi parce que je regarde un film avec quelqu'un qui préfère la version doublée. Souvent dans le cas d'un film ou d'une série animée occidentale. Même si la version originale est souvent animée après l'enregistrement de la voix, ça semble basiquement la même chose, il me semble. C'est un dessin animé. C'est des voix, que ce soit les voix originales ou de doublage. Surtout que je me fiche complètement de la tendance d'engager des célébrités pour faire les voix des personnages animés. Alléluia! plutôt que d'utiliser des acteurs qui ont tendance à se spécialiser en doublage ou en voix de personnages de dessins animés. Et il ne faut pas oublier le cas des œuvres qui n'ont pas de version originale. Des films qui sont intégralement doublés, qui sont filmés sans le son, comme une tonne de films italiens avant les années 90 ou une tonne de films des années de Hong Kong qui se rendant même jusque dans les années 90. Mais toute mon opinion encourageant le doublage n'est vraie que pour les doublages de qualité. Il y a hélas des tonnes de doublages horribles, particulièrement dans le doublage anglophone de productions asiatiques. Je pense particulièrement aux films de Kung Fu, doublage auquel on doit l'existence de Kong Pao, mais aussi à la majorité des doublages anglophones d'animés, de dessins animés japonais, qui sont habituellement faits à la va-vite, ne laissant pas le temps aux acteurs de démontrer des émotions. Il y a des exceptions, mais ce sont habituellement pas les doublages faits par ceux qui se spécialisent dans les animés, comme par exemple genre Disney, qui double les films du studio Ghibli, parfois avec des choix étranges, comme par exemple dans le film Castle in the Sky, les deux personnages principaux des enfants sont interprétés par de jeunes adultes avec des voix de jeunes adultes. Mais au moins, on a une performance par des acteurs qui donnent des émotions. Ou bien, le massacre de la série Macross, transformé en première partie de Robotech, qui détruit complètement la série, mais au moins laisse des acteurs nous offrir une performance avec des émotions. En fait, Laurent, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. En fait, je pense que tu résumes parfaitement bien notre conversation. Et en fait, je pense que le compromis que tu offres est probablement le meilleur, c'est-à-dire laisser aux gens le droit d'apprécier la version de leur choix. Oui. Et je dirais la seule chose, ça sera pour un débat pour une future émission. Je ne suis pas d'accord que la version française de France des Simpsons est médiocre. OK. Personnellement, les voix me font juste me tomber sur les nerfs. Dès que j'ai entendu la voix de Homer Simpson, oh mon Dieu, c'était pas la voix de quel personnage déjà? Je ne m'étonnerai jamais de Oh punaise. Ah, mais je reconnaissais la voix d'un acteur dans les Teeny Toons. Je crois que c'est Elmer Fudd. En tout cas, ça m'a tombé sur les nerfs. Oh mon Dieu. Mais... Et la voix de Marge, quand je l'entends en français, ça me donne envie de m'arracher les cheveux. Ou la voix de Bart. Oh mon Dieu, la voix de Bart. Ah. Tout ça pourrait être à débat à une future émission. Mais c'est totalement une question d'opinion. Il y a beaucoup de Français qui adorent la version française. Il y a beaucoup de Québécois qui détestent profondément la version française de France. Je ne suis pas le seul. Je suis probablement le seul à adorer la version de France. Par contre, dans le cas de South Park, la version française de France est exceptionnelle. Bon, au moins là-dessus, on est d'accord. Bon, ben... Ça serait merveilleux si on se revoyait une prochaine fois pour faire un autre épisode sur un autre sujet. Oui, absolument, Laurent. Si tu me réinvites, je vais répondre présent. Merveilleux. Donc, on se revoit prochainement. Nous avons hâte de vous revoir. À la prochaine!